ma naissance. Dans une aube de craie, sous la lune de sang, au terme d'un hiver mourant. Être émergé du silence, voir briller au soleil les givres de mon cœur, présage d'un printemps meilleur. Le fruit et la semence dans un sol épuisé, et fleurir en exil comme un arbre éclaté d'avril. Être, apprendre à me connaître, garder les yeux ouverts et n'être rien qu'un être de chair pour aimer jusqu'à la mort et au-delà peut-être. Être l'âme séparée du corps pour aimer jusqu'à la mort, même au-delà encore. Être la voix de mes naufrages, le verbe retrouvé, lavé de tout défaut, épousant le chemin des mots. Être échapper au chantage de tous les lieux communs, éteindre mes volcans, dompter et chevaucher mon sang. Être le geste qui engage, l'avenir repensé, artisan du retour au simple rituel. Être, mourir pour mieux renaître, des mensonges d'antan, et n'être rien qu'un être vivant pour aimer jusqu'à la mort et au-delà peut-être. Être l'âme séparée du corps pour aimer jusqu'à la mort, même au-delà.